AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Une histoire de la bière. Grâce aux albums d'Astérix, nous savons combien les Gaulois appréciaient la cervoise. Oui, aux origines étymologiques que nous retrouvons dans la cerveza espagnole. C'est une histoire de brasserie, de brasseurs, de brassage. Une histoire où l'on trouve du malt, du houblon, de l'orge, de la levure aussi. Des bocs, des bouteilles, des chopes et pourquoi pas quelques canettes. Sa mousse et sa brasse. Oui, une histoire à la fois culturelle, économique, sociale. Une histoire des représentations de la cervoise aux bières de monastère, qu'importe le flacon, pourvu que nous ayons l'ivresse de l'histoire. Fanette Lubenheimer, bonjour. Bonjour. Avant tout, je vais vous poser une question qui pourrait paraître simple, mais qui, je pense, est très compliquée. Qu'est-ce que la bière ? Ah, vous avez raison de poser cette question, parce que la bière, c'est un petit miracle. Comment faire de l'alcool avec du grain ? On comprend très bien comment on peut faire de l'hydromel avec de l'eau et du miel. On peut faire du vin alcoolisé, bien sûr, avec des raisins qui sont sucrés, mais le grain. Eh bien, le grain, c'est quelque chose qui est plein d'amidon, en particulier le grain d'orge qui va servir à faire la bière en général. Et ce grain d'orge, les anciens, mais ça remonte à très loin, au 4e millénaire avant notre ère, ont découvert qu'en faisant pousser, germer l'orge, au moment de la germination, lorsqu'il y a des radicelles et la petite tige qui sort, eh bien, il y a un phénomène qui s'appelle une transformation grâce aux diastases qui sont dans le grain et qui vont transformer l'amidon en sucre. Et tout l'intérêt de cette découverte, c'est qu'il faut griller ce grain à ce moment-là, pour arrêter la germination, profiter du sucre et obtenir ce qu'on va appeler du malt. C'est du grain d'orge grillé et sucré qu'on va réduire en farine et qui va permettre, avec de l'eau chaude, de faire bien sûr de la bière et naître l'alcool. Fanette Lubenheimer, vous évoquez l'orge. Très bien, mais est-il possible de faire de la bière avec d'autres céréales ? Parce que la notion de céréales est essentielle dans cette réflexion. Tout à fait. Et c'est pour ça que la création de la bière vient avec le néolithique, au moment où les premiers hommes commencent à faire de l'agriculture et à cultiver du grain. On peut faire de la bière avec toutes sortes de grains. On fait de la bière en Chine très tôt aussi avec du riz. Mais de tout temps, on a fait de la bière avec du blé, avec du maïs. Le maïs, non, pas de tout temps, il est arrivé plus récemment. Mais bière de blé et bière d'orge, dans l'Antiquité, c'est fréquent. Bière d'orge, bière de blé, pourquoi pas de riz, Fanette Lubenheimer, vous êtes archéologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous vous intéressez à ces boissons du passé avec cette question évidente de la datation. Alors, avez-vous trouvé la première bière ? La première bière, je pense que on la trouve au Proche-Orient, dans le croissant fertile, au moment, comme je le disais, de la néolithisation, c'est-à-dire de l'agriculture naissante, où l'on trouve déjà en Mésopotamie, voire en Égypte, des brasseries. On trouve des textes, par exemple, Diodore de Sicile, qui écrivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui parle de l'Égypte. Et il dit « Dans les régions où le sol ne permettait pas la culture de la vigne, Osiris enseigna la préparation d'une boisson tirée de l'orge qui n'était guère inférieure au vin. » Et c'est la bière. C'était la bière, bien sûr. Et en Égypte, on en faisait des grandes quantités et les salaires étaient en particulier avec les salaires des employés des palais se faisaient par kilo d'orge pour faire la bière. Il y avait des brasseries nombreuses dans les palais et la reine en particulier recevait 6 cruches de bière par jour. C'est conséquent, effectivement. Fanette Lobenheimer, vous êtes l'autrice de ces réflexions hein, autour de la bière et des boissons dans la Gaule antique, le temps des amphores en Gaule, vin, huile et sauce, aux éditions Errance, le nom est très bien porté, ou encore boire en Gaule, hydromel, bière et vin, aux éditions du CNRS, hydromel, bière et vin, et ben oui, il y a aussi de l'hydromel. L'hydromel est avant tout un produit apicole. La récolte de miel de qualité, s'entend, est donc prépondérante. Aussi, les soins apportés aux ruchers sont-ils constants. La qualité du miel, pourtant, n'est pas tout. Il faut encore utiliser une eau très pure, ne contenant ni calcaire ni fer, le plus souvent de l'eau de source, qui est en outre stérilisée avant son utilisation. Le miel est ensuite mélangé à cette eau qui a subi une première ébullition. Il s'agit là d'un travail essentiellement artisanal. Une fois le miel et l'eau mélangés, de façon à former une sorte d'épais sirop, ce dernier est transvasé par pompage dans une chaudière pour une seconde ébullition. Ensuite, et toujours selon le même procédé, il est transvasé dans d'immenses fûts de chêne où, comme le vin, il se fera, comme l'on dit, lentement et longuement. L'hydromel, un produit apicole présenté dans le magazine de la vie rurale en 1973. Fanette Lobenheimer, dans cette... présentation globale de tout ce que nous pouvons boire, dans ce qu'il y a à la carte dans la Gaule antique, il y a l'hydromel, il y a la bière, et il y a évidemment du vin, mais le vin arrive tardivement. Oui, le vin, si on parle de la Gaule en particulier, le vin c'est une boisson exotique. Les Gaulois sont d'abord des buveurs de bière et des fabricants de bière, des brasseurs, on les appelait des cervezarius. Et visiblement, le vin arrive avec les Grecs de Marseille qui vont créer Marseille vers 600 avant Jésus-Christ et qui vont importer du vin qui va s'échanger contre du métal, des choses précieuses, aussi précieuses que le métal à l'époque. Le premier vignoble va se faire à Marseille, autour de Marseille, mais c'est un petit vignoble et le vin est rare. Un peu plus tard, vers le 1er siècle ou le 2e siècle avant Jésus-Christ, le vin devient si précieux que les textes anciens nous disent que l'on pouvait échanger une amphore de vin contre un esclave. Une amphore de vin, c'est entre 20 et 30 litres de vin. Donc c'est dire à quel point ce vin est une chose rare. Et ce que je voudrais dire par rapport au vin, et ce que nous disent les auteurs antiques, c'est que les anciens, les Romains et les Grecs buvaient le vin coupé d'eau. Ce n'était pas du tout une tradition gauloise. Et les Gaulois, quand ils ont commencé à boire du vin, l'ont bu pur. Ce qui a absolument offusqué nos amis grecs et latins qui les observaient et qui a fait en quelque sorte qu'on les a traités de soudards, d'affreux ivrognes, etc. Mais malheureusement, comme nos Gaulois n'ont pas de littérature, n'ont pas écrit de texte, on ne peut pas savoir quelle est l'opinion des Gaulois par rapport à ce vin. On n'a que l'opinion des étrangers, et c'est une opinion négative sur la façon de boire le vin par les Gaulois. Le vin arrive tardivement, mettons-le de côté. Il nous reste donc pour les Gaulois l'hydromel et la bière. Alors l'hydromel déjà, cette boisson à partir de miel. Fanette Lobenheimer, est-ce une boisson qui est très répandue ou est-ce une boisson qui est consommée de manière exceptionnelle ? Dans les quelques textes que l'on a, on a l'impression que c'est une boisson exceptionnelle que l'on boit dans les grandes cérémonies. Par exemple... lors d'un mariage à Marseille, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou bien dans les années 500 avant notre ère, on a cette merveilleuse tombe en Allemagne du Sud, à Hochdorf, qui est la tombe d'un grand prince à qui l'on a donné pour sa vie dans l'au-delà et pour son banquet funéraire un énorme chaudron qui pouvait contenir jusqu'à 500 litres d'hydromel. Et ce chaudron a gardé des traces et grâce à l'analyse de ces traces et à la paléobotanique, on a pu découvrir que il s'agissait bien d'hydromel parfumé avec du thym, des herbes d'été, des choses comme ça. Hydromel, allez-y, Fanny. Je pense que l'hydromel n'a jamais pu se faire en grande quantité, comme la bière. Ce sont toujours des petites quantités que l'on fabrique, et donc on le boit de façon précieuse, je dirais. La bière, en revanche, est consommée différemment. Ah, tout à fait. Elle est consommée tout le temps. On connaît des vases très intéressants, des bols qui sont faits près de Millau, qui sont en céramique rouge, qu'on appelle de la céramique sigillée, sur lesquels on peut lire des inscriptions comme « Remplis ma coupe de bière ». Où on a trouvé une très jolie gourde à Paris, au rue de Gattini. Et sur cette gourde, qui est en forme d'anneau, il y a deux inscriptions, une de chaque côté. Et d'un côté, on lit « Hôtesse, remplis mon vase de cervoise ». Et de l'autre côté, on lit « Il faut remplir ma coupe de conditum, c'est-à-dire de vin doux aromatique ». Donc les boissons bière et vin étaient tout à fait parallèles à ce moment-là. Des boissons consommées dans la Gaule antique, eh bien le mot est tombé, c'est celui de cervoise. Les Gaulois vivent sur un grand territoire couvert de vastes forêts, entre l'océan Atlantique et le Rhin, et des limites de la province romaine du Midi jusqu'à la mer du Nord. Tu crois qu'il y aura du sanglier ? Regarde, ça s'appelle le rieur sanglier. C'est un peuple, dit encore César dans ses commentaires, d'une rare ingéniosité, mais dont la colère irraisonnée et la légèreté sont les traits dominants. Ajoutons la vantardise, le goût des ripailles et le vaste rire pour un oui, pour un non. Je suis avec deux Gaulois amis et nous allons prendre un repas comme tu sais si bien les faire. Je vais vous servir un très, très bon repas. Et trois cervoises. Voici les cervoises. Elles ne sont peut-être pas assez tièdes. On peut les faire réchauffer. Documentaire sur la Gaule de FR3 en 1978 qui rencontre Astérix et Obélix chez les Bretons. Fanette Olbenheimer, la cervoise, évidemment popularisée par les albums d'Astérix. Quelle est cette boisson ? Peut-on dire que c'est une bière ? D'abord, elle a plusieurs noms. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Latins n'ont pas de mot pour dire bière. Ça n'existe pas dans leur culture et le mot même n'existe pas. Et donc dans les textes anciens, on trouve le mot zitos ou zitum, en Égypte en particulier. En Espagne, on trouve caelia ou cerea. En Gaule, on trouve bien sûr cerveza, servia, cervecia ou curmi. Quand on lit sur une inscription « Belle fille, donne-moi de la bière », eh bien ce sera le mot curmi. Et donc ces bières ont des qualités différentes. Certaines seront faites avec du miel, et ce sont les meilleures. C'est des bières de froment avec du miel que l'on considère comme les plus nobles. Et puis les autres seront plus ordinaires. Est-il vrai qu'elles étaient consommées tièdes, pas chaudes, mais tièdes ? Alors ça, j'en ai aucune idée. Enfin, je n'ai pas trouvé de réponse à cela. La seule comparaison que j'ai pu faire, c'était lors d'un voyage en Éthiopie récent, où on fait beaucoup de bière en Éthiopie, et d'hydromel d'ailleurs, et cette bière, elle est tellement différente de ce que nous connaissons que c'est renversant. D'abord, elle a la couleur du café au lait, et elle n'a pas de mousse, et on la boit température ambiante. Oui, parce que c'est la grande question, hein, savoir ce que les gens buvaient, surtout pour les Gaulois qui ne laissent pas de texte. Nous n'avons que les textes de ceux qui les observent. Fanette Lobenheimer, justement, archéologue que vous êtes, quelles traces sont-elles encore utiles pour essayer d'identifier les bières, les boissons ? Vous nous avez expliqué qu'avec l'hydromel, il est possible malgré tout d'étudier ce qu'il reste au fond des amphores. Oui, ça c'est très très vrai pour le vin. Pour la bière, on commence à peine, les premières études commencent à donner quelque chose, parce que la bière c'est surtout de l'eau, donc les traces sont minimes. Mais on a pu quand même le faire, et on a notamment, il y a eu des travaux qui ont été menés à Barcelone notamment, où l'on a pu identifier dans la région de Barcelone des amphores catalanes qui sont très particulières. Elles ressemblent à des gros tubes bien larges avec de minuscules anses sur le côté. Elles n'ont pas de colle. On les appelle la boca plana, sans colle, bouche plate. Et donc, dans ces amphores, on a trouvé des restes de bière. Ces amphores-là sont datées entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère. Et elles ont été exportées, et notamment dans la région de Narbonne, à Montlaurès ou à Peixmaó, où l'on a retrouvé de ces amphores catalanes et où les analyses ont pu être faites. Et c'était des amphores à bière. Des amphores sur sur le vin, je pourrais aussi vous raconter quelque chose d'amusant. Dites-moi. Alors, le vin, figurez-vous que j'en ai bu qui date de 70 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une histoire assez rigolote. Nous faisions dans les années, il y a longtemps, dans les années 70, oui, c'est ça, un peu plus avance dans les années 70, une fouille sous-marine au large de la Madrague de Gien, près de Toulon, une épave à 20 mètres de fond, chargée encore d'amphores vinaires venant d'Italie du Sud. Et le bateau était bien conservé, il y avait encore 1,70 m de carène, un premier rang d'amphores parfaitement bouché et conservé, un deuxième rang un peu plus abîmé, un troisième rang carrément quasiment cassé et après plus rien. Donc nous fouillons notre épave tous les jours et nous remontons des amphores bouchées que nous débouchons sur le ponton en mer à 800 mètres de la côte où nous travaillons. On débouche les amphores à 20 qui sont bouchées avec un opercule de liège et puis de la pouzzolane comme un cachet, si vous voulez, dans une sorte de plâtre, mais qui est de la pouzzolane. Et on débouche nos amphores, on les vide pour pouvoir les transporter plus facilement sur la côte et pouvoir les étudier. Et régulièrement, au fond de ces amphores, il sortait une sorte de liquide un peu papier buvard violacé qui était le reste du vin. Et il y a eu une chose extraordinaire, une fois ou l'autre, je crois que ça s'est produit trois fois, en vidant l'amphore, je vois courir, rouler des grains de raisin. Mais des grains de raisin en parfait état, bien joufflus, avec encore un petit pédoncule, une petite queue. Eh bien, ma première réaction a été d'en croquer un ou deux. Et je les ai croqués carrément, j'ai tiré la tige et j'ai craché les pépins. Et ça avait goût, naturellement, d'eau de mer. Mais l'on sait que dans l'Antiquité, je crois que c'est Columelle qui le raconte, on mettait dans certains vins une poignée de raisins frais. Et ces raisins frais, conservés pendant 2000 ans au fond de la mer, dans un milieu humide, sont restés parfaits. Évidemment, quand on les a fait rouler sur le ponton, ils ont fait « ouf !» et ils se sont flétris rapidement. C'est une belle histoire que vous nous racontez là, avec pour le vin, cette idée que les vins antiques étaient beaucoup plus épicés que ceux d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes vins. Quant à la bière, Fanette Lobenheimer, a-t-on une idée du goût qu'elle pouvait avoir ? Elle était parfumée, bien entendu. Mais elle n'était pas parfumée au houblon. Le houblon était connu dans l'Antiquité, mais comme une sorte de gâterie, un mets rare, qu'on n'utilisait pas du tout pour parfumer la bière. En revanche, on utilisait des choses comme des plantes comme la jusquiam, qui permettaient de parfumer, et puis surtout qui avait un rôle de conservateur. Donc on mettait diverses herbes dans la bière pour la parfumer. Il est possible de boire de la bière antique, mais là, il faut appeler un artiste. Gabriel Léger, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes artiste plasticien. Racontez-nous votre expérience avec cette bière. Qu'avez-vous voulu faire ? J'ai voulu retrouver le passé d'une certaine façon, tout en sachant que c'est impossible et que c'est une vue de l'esprit d'une certaine façon. Mais c'est aussi mon travail de jouer, comme vous disiez, avec des objets du passé, d'essayer de leur redonner vie. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec des grains de blé que j'ai trouvé, quasiment par hasard ou par coïncidence, dans une vente aux enchères à Paris. Et c'était des grains de blé qui avaient été retrouvés par l'archéologue Gaston Maspero en Égypte. Et grains de blé qui étaient placés donc dans les tombes pour accompagner le défunt après la mort. Donc il y en avait de très grandes quantités qui ont été retrouvées et même écoulées avec les premiers touristes du 19e siècle, dont beaucoup ont essayé de faire germer les grains, plutôt sans succès parce que les grains avaient perdu leur pouvoir germinatif. Mais moi, je n'ai pas essayé de les faire germer, j'ai voulu faire de la bière avec. J'avais déjà essayé de faire du pain il y a quelques années, de faire du pain antique, et donc c'est venu tout naturellement de faire ce pourquoi ce blé avait poussé à l'époque en Égypte, c'est-à-dire de la bière. Oui, c'est une démarche artistique, hein, il faut le rappeler. Elle a été présentée hein, à la galerie Sator, c'est à Romainville, pas très loin de Paris, juste à côté de Paris. Et justement, ces grains de blé, mais quel âge avait-il ? Alors, il date du 3e siècle après Jésus-Christ. Il venait d'une nécropole de l'époque ptolémaïque et romaine. Donc, ces grains datent à peu près de cette époque-là, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Ouais. Et vous avez réussi à en tirer de la bière ? Alors, j'en ai tiré de la bière. C'est-à-dire qu'on l'a mélangé avec de l'eau et de l'orge maltée. Et oui, les grains ont donné un sucre. Et cette bière est très très bonne. On l'a aromatisée avec des épices égyptiennes qui s'appelle douka. Donc avec du cumin, de la noisette, du fenouil et aussi avec du miel égyptien, que des ingrédients égyptiens. Elle est bonne, donc vous avez pu la goûter. Oui, c'est drôle parce que cette question du goût, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a fréquemment posé. Il y a une sorte de comme ça, de désir fantasmatique qui recherche la recréation exacte du goût perdu. Mais oui, elle est délicieuse. Mais en fait, il n'y a pas de recette précise égyptienne existante sur les aromates utilisés à l'époque. Donc, on ne sait pas exactement le goût qu'avait la bière. On savait qu'ils mettaient des dattes, qu'ils mettaient du miel. Il mettait des épices, mais il n'y a pas de recette précise exacte. Ouais. Et vous avez raison de souligner cette fascination pour le goût en histoire. C'est très difficile hein, de saisir l'impalpable. Et justement, ouais. C'est là que l'artiste est essentiel. Avec l'exposition, ça s'appelait Deep Time, hein, cette profondeur du temps qui nous intéresse. C'était vraiment ça aussi, cette démarche artistique, Gabriel Léger. Oui, absolument. Deep Time, c'est un terme qui désigne le temps géologique, c'est-à-dire donc le temps long sur la Terre. Et qui m'a permis d'évoquer, c'était pas du tout une exposition sur la géologie, mais cette expression m'a permis d'évoquer le plaisir de convoquer le passé, tout simplement. Et de voir autrement les soi-disant antiquités, de leur redonner vie, de les remettre au présent. Fanette Lebonheimer. De survivance. Ouais. Voilà, c'est cette survivance, hein, Fanette Lebonheimer, qui est passionnante aussi dans cette histoire, parce que, eh bien, je l'évoquais, c'est une histoire évidemment économique, c'est une histoire aussi culturelle, mais une culture qu'il est difficile d'appréhender, qui est celle du goût. Tout à fait. C'est très complexe. L'histoire de la madrague de Gien et du vin, ça n'avait plus que le goût d'eau de mer. Mais sur la bière, c'est très délicat d'avancer et de se faire une idée. C'est difficile de se faire une idée de ce que pouvait être la bière. Ce que l'on sait malgré tout, c'est que cette bière doit être consommée avec modération. Un verre ? France Culture. Ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ça mousse, ça brasse dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture pour une histoire de la bière, particulièrement de la bière, mais une histoire qui s'inscrit dans celle des boissons de l'Antiquité, mais boissons encore d'aujourd'hui. Et oui, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud ? Les gens ont soif, avec le beau temps, on vend des Diabolo Menthe, des Diabolo Citron, on vend des Vittel, on vend des jus de fruits. Mais enfin, quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région... On en boit quand même. Habituellement, on en boit une, on en boit deux. Bah, maintenant, on en boit trois ou on en boit quatre. Quoi. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière ? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. que ça sent la bière. Donne-moi la main, c'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en Skoll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de Rotterdam, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mémères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui, le cours de l'histoire brasse et mousse aussi une histoire de la bière à consommer avec modération. Fanette Lobenheimer, vous nous avez parlé de la consommation de bière de cervoise dans la Gaule antique. Y a-t-il une rupture avec la christianisation de la Gaule ? En quelque sorte, oui, parce que la christianisation va favoriser le vin, puisque le vin, c'est rouge, que le vin, c'est le sang du Christ, c'est le vin qui va être prôné dans la communion, dans toutes les religions chrétiennes. Donc, la bière va vivre une sorte de recul au moment de la christianisation. Et dès lors, elle est pas portée en honneur, la bière. C'est le vin qui est le sang du Christ, c'est autre chose. Et pourtant, la bière reste associée au monastère et aujourd'hui encore. Et pour nous en parler, Isabelle Jeanvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions, chercheuse à l'université de Graz en Autriche. Et dites-nous justement, pourquoi y a-t-il une telle association entre la bière et les monastères? Alors je pense que cette association se fait à différents niveaux. Tout d'abord, en fait, les moines ont eu un rôle aussi fondateur dans l'histoire de la bière en Europe, notamment par l'industrialisation. En fait, ce sont les premiers qui ont vraiment produit de la bière à niveau industriel. Ce sont aussi ceux qui ont été les premiers à utiliser le houblon de manière systématique, donc qui ont aussi créé des innovations dans la bière. Et on voit aussi jusqu'à présent dans nos supermarchés actuels que l'image du moine, l'image monastique est restée sur nos étiquettes de bière comme finalement gage de qualité, gage de tradition qu'on va directement associer à la bière. Alors en fait, la bière est entrée dans les monastères originellement parce que donc, dans la règle de Saint-Benoît, Benoît recommande donc pour les moines une ration de vin par jour. La raison en est aussi tout à fait pragmatique que l'eau n'était pas potable directement, donc la boisson de table était le vin, et les moines devaient produire eux-mêmes leur vin par la vigne qu'ils possédaient. Or, dans certaines régions qui n'étaient pas assez ensoleillées pour produire du vin, notamment dans le nord de l'Europe, les moines en fait ont eu l'autorisation de remplacer le vin par la boisson locale qui était la bière. Et dès lors, les bières se développent. Alors, nous sentons bien ici qu'il y a une nécessité, boire quelque chose qui ne risque pas de rendre malade quand l'eau n'est pas potable. L'eau brassée par la bière, au moins, est pure. Et puis, il y a vraiment une économie très impressionnante, hein, Isabelle Jonvaux. Cette économie de la bière qui fait que les moines arrivent à se spécialiser, mais peut-être aussi parce que pour produire de la bière, eh bien, il faut une vraie maîtrise des savoirs. Effectivement, alors cette économie de la bière, donc vraiment en tant que économie qui produit du profit, s'est développée au cours du temps et véritablement plus au XXe siècle. Au début, on est vraiment plutôt dans l'idée d'une boisson pour la subsistance, pour la consommation directe de la communauté. Et c'est qu'au fur et à mesure que les moines ont développé cette activité véritablement comme économie. Et en fait, ce savoir-faire monastique, il a aussi toute sa valeur par le fait que les monastiques sont des institutions stables depuis 1000 ans, voire plus, et qui peuvent donc retransmettre ces savoir-faire, qui peuvent les consigner dans des écrits et qui peuvent les améliorer aussi au cours du temps. C'est très difficile de faire de la bière, donc nous l'entendons bien, les monastères bénéficient de cette stabilité. Gabriel Léger, vous, artiste, plasticien, vous avez fait de la bière à partir de grains antiques, mais justement, on sent bien que ce n'est pas facile de faire de la bière, c'est pas comme un jus de pomme, hein. Oui, absolument. Alors moi, j'avais pas les compétences pour le faire, donc j'ai collaboré avec Arthur Farina, qui est brasseur à la brasserie Bap Bap, et avec qui on a fait une bière qui est alors on n'a pas suivi de recette égyptienne antique. On l'a fait comme il l'a fait habituellement, comme on l'a fait habituellement aujourd'hui. On n'a pas utilisé de levure ancienne aussi. Alors en ce moment, il y a des chercheurs qui ont isolé des levures antiques, notamment des chercheurs israéliens. Il n'y a pas très longtemps, des levures de bière. J'ai aussi un prédécesseur qui s'appelle Patrick McGovern, qui est spécialiste dans la recréation de bière ancienne, un Américain. Mais lui, il se base sur la recette, mais pas sur la levure. Alors, comment dire, moi de mon côté, j'ai cette sorte de licence poétique, comment dire, je suis artiste et voilà, je voulais faire les choses le mieux possible, mais je voulais pas spécialement recréer exactement une bière antique. Ce que je voulais faire, c'était mettre à l'intérieur de d'une boisson du blé antique. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est pas exactement la même chose, et de toute façon. Le blé que j'ai utilisé, voilà, c'est à la fois une première et une dernière, parce que j'ai utilisé tout le blé que j'avais. Et voilà. Oui, mais c'est la démarche qui est passionnante. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés de voir votre travail, Gabriel Léger, je renvoie à votre site. Hein, on trouve le lien sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr, parce que nous sentons bien que vous bénéficiez aussi d'une très riche iconographie pour l'Égypte antique. Vous bénéficiez d'énormément de documentation. C'était aussi un plaisir de se plonger dans ces images. Oui, absolument. Il y a énormément de documentation. Mais finalement, les recettes sont pas très très précises. Voilà, on n'en sait rien sur les aromates, par exemple. Mais la documentation est très importante. Et puis, j'ai pu utiliser aussi l'histoire même du blé que j'avais retrouvé, qui vient de la ville d'Armin, qui est une ville très importante à l'époque en Égypte, qui s'appelait Panopolis à l'époque. Et il se trouve que il y a une brasserie qui a été découverte il n'y a pas très longtemps et qui est juste à côté d'Armim, ça fait les nouvelles, juste à côté d'Armim. Et voilà, c'était pour moi une sorte de coïncidence aussi. Hein. Et justement, faire l'histoire de la bière n'est pas simplement faire l'histoire d'une boisson, il faut la fabrication. Et le mot brasserie devient alors quelque chose de beaucoup plus large qu'une simple gorgée de bière. Fanette Lobenheimer, dans ce que vous avez pu étudier, vous travaillez sur la boisson, hein, boire en Gaule, hydromel, bière et vin. Il y a la notion de brasserie. Où en est-on ? A-t-on trouvé des brasseries ? Parce que c'est quand même quelque chose d'imposant, une brasserie. Oui, bien sûr, on a trouvé des brasseries. Alors, si on parle du Proche-Orient, que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte, on a trouvé à de nombreuses reprises des brasseries. En Europe, on en connaît moins. Mais il y en a quelques-unes, en particulier en Allemagne, à Ratisbonne. Donc ce qu'il faut pour définir une brasserie, c'est de l'eau. Alors souvent, on aimerait avoir un puits, du feu, donc ça c'est facile. Des grands vases, des grands vases contenant beaucoup d'eau, etc. Et des fours pour griller l'orge, pour sécher l'orge et la griller. Ce sont pas des vestiges très faciles à conserver et très facile à identifier. On trouve aussi des brasseries, par exemple à Vindolanda. Là, je vais parler du contexte militaire. À Vindolanda, qui est un site sur le mur d'Adrien à la frontière écossaise, il y a un camp militaire, bien entendu, qui est très bien fouillé depuis pas mal d'années. Et on y a trouvé aussi une brasserie pour alimenter en bière tous les soldats qui étaient là et qui étaient des fervents buveurs de bière. Mais on importait aussi la bière parce que il n'y en avait pas assez dans la brasserie. Une brasserie pour les militaires, bah oui, les militaires buveurs de bière et les moines aussi buveurs de bière parce que, Isabelle Jonvaux, pour les monastères, la brasserie là est quelque chose qui est bien connu. Ça fait vraiment partie de la vie du monastère. Oui, alors effectivement, je n'ai pas encore évoqué jusqu'à présent l'ordre trappiste, les trappistes qui ont été fondés en 1564. Ils ont eux-mêmes institué en fait dans leur constitution que pour être érigé en abbaye, une communauté devait produire sa boisson de table et donc devait, dans le Nord, avoir une brasserie. Donc la brasserie fait partie de la vie quotidienne du monastère, donc avec la bière qu'on va boire à la table du monastère et la bière qu'on va vendre à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on a encore effectivement en Belgique de nombreux monastères trappistes qui possèdent toujours leur brasserie au sein du monastère. Donc les bières trappistes, que l'on appelle trappistes, sont des bières qui sont vraiment produites dans l'enceinte du monastère. Alors aujourd'hui, ce n'est plus exactement que tous les moines vont participer, vont travailler directement à la brasserie comme ça pouvait être le cas auparavant, mais on aura en général un moine au conseil de direction de telle manière à ce que la communauté ait aussi cette visibilité sur la production, sur la publicité de la bière. Donc c'est vraiment quand on pense aussi à l'idée de ora et labora, donc de prier et travailler dans le monastère, la brasserie va être aussi ce travail du moine et donc va faire partie de la vie monastique en soi. Oui, parce que l'organisation monacale correspond très bien à la vie d'entreprise. Vous, moine, vous êtes en société civile, société anonyme, exactement comme un laïc. Absolument, nous sommes ici la société anonyme des produits monastiques au capital de 250 000 francs, hein, avec un numéro de sirène, de registre de commerce et tout ce que vous voulez. Un conseil d'administration, un PDG qui est, comme a dit quelqu'un un jour dans une émission de radio, le père directeur général, mais qui est également président directeur général. Un conseil d'administration, des administrateurs, des actionnaires, etc. Vous avez un commissaire aux comptes ? Nous avons un commissaire aux comptes. Nous avons même eu le droit à un contrôle fiscal, comme toute société. Nous sommes en société anonyme avec le désir de faire du bénéfice. Et vous en faites ? Oui, bien sûr. On essaye au moins d'en faire. Et si nous en faisons, nous payons des impôts sur le bénéfice, comme toute société. Et ben voilà, le père Foucard qui évoque les moines trappistes de Bellefontaine. C'était en 1986 dans Rue des Entrepreneurs sur France Inter. Isabelle Jonvaux, il y a ça aussi qui explique le succès de la bière des monastères. Et depuis le Moyen-Âge, c'est cette organisation très efficace qui permet une grosse production pour le monastère et l'exportation aussi. Effectivement. Alors, en fait, comme l'a montré le sociologue Max Weber, le succès de l'économie monastique, en fait, est lié à la vie religieuse en tant que telle, donc à l'ascèse, qui veut que les moines passent le moins de temps possible au travail pour passer le plus de temps à la prière. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils ont rationalisé tout leur processus de production de telle manière à être le plus efficace possible et travailler le moins possible. Ce qui fait que vraiment, on a eu une grande rationalisation des processus de production qui concerne la bière, mais pas seulement, et donc permet un certain succès des produits monastiques. Et l'exportation est venue un peu plus tard, mais s'appuie aussi sur le réseau monastique, puisqu'on a des monastères dans le monde entier, quasiment, qui sont reliés les uns aux autres par le biais des congrégations et les ordres religieux, qui permettent déjà d'installer en fait un réseau qui peut devenir un réseau commercial. Et ce sont aussi les moines en Europe qui, en fait, ont fondé nos premiers grands réseaux commerciaux. Les premiers grands réseaux commerciaux fondés par les moines. Isabelle Jonvon, vous êtes l'auteur du Monastère au travail, une économie utopique, le royaume de Dieu au défi de l'économie chez Bayard, et puis Moine, corps et âme aux éditions du Cerf. Justement, il y a encore aujourd'hui l'héritage de ce succès des bières de monastère. Oui, effectivement, ce qui est très intéressant, vous pouvez tous faire l'expérience quand vous allez au supermarché, vous allez voir un rayon de bière et vous allez trouver sur les étiquettes de très nombreux référents religieux, de grosses têtes de moines, de corps un peu gras de moines sur les étiquettes de bière. Donc en fait, ce qu'on observe en Europe, c'est que l'image monastique en fait joue comme garant de qualité pour une bière, quelle que soit la bière. Sauf que quand on y regarde de plus près, en fait, on va se rendre compte que globalement, plus l'étiquette de bière présente des référents religieux, moins cette bière aura directement un lien avec une communauté existante ou ayant existé. Donc on voit bien en fait que la production laïque de bière va utiliser, récupérer l'image monastique pour essayer de s'approprier cette histoire, cette tradition, cette qualité qui sont liées aux bières monastiques. Parce qu'il y a les bières trappistes, les bières fabriquées au sein même du monastère, mais il faut le dire, il n'y en a pas tant que cela, hein, des bières fabriquées encore au sein du monastère. Non, effectivement. Alors, les véritables bières trappistes qui possèdent donc un label, il y en a, je crois, de mémoire, environ 7. Donc, c'est vraiment un processus strict de reconnaissance. Elle doit être produite au sein du monastère. Mais après, on a un autre label en Belgique qui est celui des bières belges d'abbaye reconnues, qui sont en fait des bières qui ont été produites par une communauté religieuse. La communauté a revendu ce processus à une entreprise laïque, mais touche toujours les dividendes liés à la marque. Donc ça, pour le coup, ces bières ont véritablement un lien d'histoire en fait avec une communauté existante. Mais on observe aussi que de plus en plus de monastères, en France notamment, mais aussi dans des pays anciennement communistes, où la vie monastique se refonde, que ces monastères vont reproduire une bière parce que c'est aussi un produit qui se vend bien sur le marché, qui va permettre à la communauté de vivre. Et oui, vous nous avez bien dit hein, combien les réseaux des monastères sont essentiels pour expliquer le succès de ces bières de monastère. Cluny, Citeaux, etc. Il y a du vin aussi dans cette histoire, évidemment. Mais question réseau, les moines s'y connaissent. Pour toucher le consommateur à l'échelle nationale, ils regroupent les cloîtres et font un service Minitel, 3615 monastique. Comme cela, il y a de quoi s'habiller, il y a de quoi se laver, il y a de quoi se nourrir le corps et l'esprit. Il y a de l'art, art et décoration, articles pour enfants, articles religieux, audiovisuels et librairies. Bijouterie, chaque monastère peut contrôler son produit, ce qui est affiché, le prix, etc. et éventuellement même ses commandes. Nourriture terrestre, mais aussi spirituelle, sur monastique on trouve les horaires de toutes les messes. N'être présent sur le Minitel que pour vendre, c'est un peu mercantile. Je pense qu'il y a une information qui se fait très facilement et c'est bon. Vous n'êtes pas qu'un homme d'affaires alors ? Ah, pas du tout. 3615 monastique, oui, c'est quand même formidable le temps passé, parce que nous réserve toujours de belles surprises, Isabelle Jonvaux. 3615 monastique, mais c'est un élément, c'est l'héritier de ces réseaux du Moyen-Âge. Très bien, l'argent ne pose pas de problème en soi pour ces communautés, mais l'alcool, n'y a-t-il pas des débats autour de la consommation d'alcool ? Alors, effectivement, le débat qu'il y a eu et qui existe toujours, c'est que les bières trappistes sont en général des bières qui titrent beaucoup, enfin qui ont une fermentation haute, et un haut degré d'alcool. On a Chimay qui va jusqu'à 9 degrés, Maretsu, bière bénédictine, qui va jusqu'à 10 degrés. Donc, ce sont des bières très fortes. Et on a critiqué les moines comme incitant finalement à l'alcoolisme. Les communautés monastiques ont répondu en disant qu'elles ne souhaitaient pas baisser leur degré d'alcool, puisque ça fait partie de la qualité de la bière, mais elle s'engage en fait sous d'autres formes dans la lutte anti-alcoolique, notamment en reversant des bénéfices liés à la production de la bière pour des associations qui luttent contre l'alcoolisme, mais aussi en essayant de faire passer une autre image de la consommation de bière qui va justement pas inciter à la consommation, mais qui va plus aller vers le côté d'une dégustation d'un produit de qualité, donc quelque part de la gastronomie. Et notamment, si vous regardez dans les supermarchés, les véritables bières trappistes, en général, elles se vendent à l'unité. On aura aussi très peu d'offres commerciales, comme me disait le directeur d'une brasserie trappiste à Westmalle, en Belgique. Ils ne vont pas vendre deux bières avec un verre, ou ils ne vont pas faire une offre commerciale. Si tu achètes 10 bières, tu as 10 CD, etc. Mais ils vont vraiment plus jouer sur la dégustation et donc de vendre à l'unité pour ne pas inciter à la consommation. Et juste si je peux me permettre de dire, l'argent ne pose pas problème. Néanmoins, l'économie monastique est toujours un peu sur le fil du rasoir, comme me disait une moniale, hein, parce que le but en soi n'est pas de faire du profit, mais de faire vivre la vie monastique. Et comme me disait un moine trappiste en Belgique, il faut que ça reste une abbaye avec une brasserie et non pas une brasserie avec une abbaye. Oui, c'est bien de le souligner effectivement, Isabelle Janvaux. Et puis, il y a quand même dans cette histoire toute une part de culturel et qui fait presque partie de notre identité. Un pays de vin, pays de bière. Fanette Lobenheimer, je me permets, mais votre nom sonne comme celui d'une bière, mais ce n'est pas une insulte, au contraire. C'est une histoire de famille. Ah oui, c'est une longue histoire de famille, puisque ma famille est une famille de brasseurs depuis 6 générations, enfin était, puisque la brasserie est fermée. Et c'est l'histoire d'un jeune Allemand de la région de Mayence, du sud de Mayence, d'un petit village, qui va partir son baluchon sur le dos pour s'installer dans le sud-ouest de la France, à Nérac, Lot-et-Garonne, et créer une brasserie qui va devenir très importante et exporter de la bière dans tout le sud-ouest et même au Sénégal. Et donc, cette brasserie va faire vivre la ville de Nérac pendant pas mal de temps. Elle va durer 130 ans, ce qui est quand même pas mal. Et c'est un mouvement, enfin, ce jeune homme est protestant, et allemand donc, et si l'on regarde comment la bière est arrivée dans le sud-ouest de la France, on découvre énormément de familles allemandes ou alsaciennes, protestantes, qui sont venues s'implanter dans le sud-ouest ou dans l'ouest de la France pour faire de la bière, ou à Lyon, enfin j'ai des ancêtres aussi, parce qu'ils se marient entre eux, donc j'ai des ancêtres brasseurs à Lyon, la brasserie Rinck, j'ai des ancêtres brasseurs à Angoulême, la brasserie Beckel, c'est toute une, j'allais dire c'est tout un clan. C'est tout un clan et c'est toute une histoire. C'est en cela que l'histoire du boire est passionnante, parce que ce n'est pas simplement une histoire du goût, c'est une histoire économique, culturelle. Vous nous l'avez tous les trois très bien présenté, cette histoire, Fabienne Lobenheimer. Eh bien écoutez, si on veut connaître l'histoire de votre famille, vous en avez écrit un ouvrage, hein, la brasserie Lobenheimer à Nérac. Mais je renvoie surtout à boire en Gaule, hydromel, bière et vin. Merci beaucoup Gabriel Léger aussi, pour ceux qui voudraient voir votre travail. C'est passionnant, Deep Time, à partir de ce blé, ce grain antique, à retrouver sur le site du cours de l'histoire, un lien vers votre site. Et merci beaucoup Isabelle Janvaux, moine Corps et âme aux éditions du Cerf. Merci beaucoup à tous les trois. Il est temps de retrouver Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, quand les vaincus inventent une littérature de combat. Depuis son appartement bureau de Mexico, Hector Belasco Aranchein exerce son métier de détective privé, fenêtre grande ouverte sur les rumeurs de la ville. Hector Belasco Aranchein n'existe pas, en dehors des romans de son créateur Paco Ignacio Taibo Dos, qui lui a inventé deux acolytes, un plombier et un ingénieur des égouts, qui par leur connaissance des réseaux et de leurs accidents, par leur caractère souterrain et illisible pour les non-initiés, sont des partenaires de l'exploration sociale des intrigues policières en série qui composent le monde de Hector Belasco Aranchein. Cet univers de romans noirs, Paco Ignacio Taibo Dos l'a forgé dans les années 70, des années après l'événement traumatique de sa jeunesse, la répression sanglante du mouvement étudiant mexicain achevée dans un bain de sang en 1968, alors qu'il manifestait contre la tenue des Jeux Olympiques, parce qu'il constituait la vitrine de prestige d'un régime politique qui déjouait la démocratie. Difficile d'héroïser les forces de l'ordre lorsqu'elles incarnent le bras armé des dictatures. C'est sur ce constat que s'est inventée la novela negra, le polar noir latino-américain, sous la plume des vaincus du sous-continent contaminés par les dictatures dans les années 70 et 80. Dans un documentaire diffusé sur Arte.tv, Leonardo Padura à La Havane, Santiago Roncagliolo à Lima, Claudia Piñeiro à Buenos Aires, Luis Sepúlveda à Santiago du Chili et Paco Ignacio Taibodos à Mexico témoignent de leur œuvre littéraire et de la manière dont elle leur a permis de continuer à décrire, à interroger, à dénoncer les sociétés qu'ils ont échoué à changer dans leurs jeunes années. Au Mexique, à Cuba, en Argentine, au Pérou et au Chili, nous sommes partis de la littérature noire classique et nous lui avons ajouté un ingrédient. L'histoire. Beaucoup d'histoire. En particulier l'histoire récente, contemporaine. Pas de commissaire Maigret quand la police soutient le crime d'État. En 1976, 8 ans après le massacre de Tlatelolco, Paco Ignacio Taibodos publie le premier épisode des aventures de Héctor Velasco Aranchain, ancien ingénieur qui a délaissé sa caste de privilégiés pour plonger dans les intrigues des rues de Mexico. Son détective borgne charrie une épaisseur historique dans son patronyme même. D'origine basque et irlandaise, le personnage s'inspire des univers de la littérature noire américaine de Dashiell Hammett et Raymond Chandler, mais aussi et malgré tout quand même du Maigret de Simenon de l'autre côté de l'Atlantique pour l'acuité de son regard sur les détails minuscules qui font dérailler l'ordinaire du quotidien. La famille de Paco Ignacio Taibodos, espagnole et républicaine, s'est réfugiée au Mexique à la fin des années 50 pour fuir une dictature européenne. Il sera syndicaliste, étudiant rescapé de Tlatelolco, journaliste et professeur d'histoire. S'il semble apparaître dans la catégorie des vaincus de l'histoire, c'est par la littérature de genre qu'il cultive l'esprit de rébellion des mouvements étudiants de sa jeunesse, en prenant pour prétexte l'énigme policière pour exposer les crimes sociaux dans un décor moite à souhait, où les victimes sont englouties dans le gouffre exacerbé entre les extrêmes. Extrême pauvreté, extrême richesse, abus de pouvoir, corruption et justice arbitraire. Une littérature noire qui plonge dans le passé pour permettre de comprendre un présent et une génération d'écrivains qui témoignent sans relâche à défaut d'avoir vaincu. Merci Anaïs. Le journal de l'histoire est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, nous poursuivons notre moment de plaisir, buvons ensemble, mais avec modération. Oui, demain, le Raki et le Sultan, boire dans l'Empire de la Vigne, boire dans l'Empire Ottoman.